الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد. Donc aujourd'hui, inshallah ta'ala, il n'y aura que le cours de tafsir, exceptionnellement. On continue dans le tafsir de Surat An-Najm, Surat l'étoile. Lors du dernier cours, on s'était arrêté à l'explication du verset 25 que l'on avait terminé. ولله الآخرة فلله الآخرة والأولى. ثم قال تعالى وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Donc Allah Azzawajal dit, selon le sens dans le verset 26 de Surat An-Najm, « Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, à moins qu'Allah ne l'autorise en faveur de qui il veut et qu'il agrée. » قال الشيخ سعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الملائكة وغيرهم وزعم أنها تنفعه وتشفع له عند الله يوم القيامة وكم من ملك في السماوات من الملائكة المقربين وكرام الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا أي لا تفيد من دعاها وتعلق بها ورجاها إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أي لابد من اجتماع الشرطين إذنه تعالى في الشفاعة ورضاه عن المشفوع له ومن المعلوم المتقرر أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله موافقا فيه صاحبه الشريعة فالمشركون إذن لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين وقد سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين. ممكن جي رحمه الله. Allah Azzawajal dit, en réprimandant ceux qui adorent autre que lui Azzawajal parmi les anges et autres, et ceux qui prétendent que les anges leur apporteront des bénéfices et que ces anges intercéderont en faveur d'eux le jour du jugement. Allah Azzawajal dit selon le sens, et que d'anges dans les cieux. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux anges dans les cieux parmi les anges rapprochés et parmi les nobles parmi les anges. La tourni shafa'atuhum shay'a, dont l'intercession ne sert à rien. C'est-à-dire que l'intercession n'atteindra pas et ne portera pas bénéfice à ceux qui invoquent les anges, à ceux qui s'accrochent aux anges et à ceux qui mettent leur espérance en les anges. Illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. À moins qu'Allah ne l'autorise en faveur de qui il veut et qu'il agrée. C'est-à-dire que deux conditions doivent obligatoirement être réunies. Conditions doivent obligatoirement être réunies pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'intercession de l'intercesseur. La première de ces conditions est l'autorisation d'Allah azawajal pour intercéder. et la satisfaction de celui pour qui on intercède. Et il est connu qu'Allah Azzawajal n'accepte les œuvres que lorsqu'elles sont sincères pour Allah Azzawajal et lorsque celui qui adore Allah l'adore de façon conforme à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, l'on sait que les polythéistes, al-mushrikoun, n'auront aucune part de l'intercession des intercesseurs. Et ces polythéistes ont mis un obstacle entre eux et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azzawajal n'est pas agréé d'eux. Il ne peut être agréé d'eux car il n'adore pas Allah en lui vouant un culte exclusif et il n'adore pas Allah conformément à la législation d'Allah. Au contraire, ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans les versets 27 à 30 de sourate An-Najm: ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux anges des noms de femmes, alors qu'ils n'en ont aucune science. Ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Écarte-toi donc, c'est-à-dire ô Muhammad, de celui qui tourne le dos à notre rappel et qui ne désire que la vie présente. Voilà toute la portée de leur savoir. Certes, ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'égare de son chemin et il connaît parfaitement celui qui est bien guidé. قال الشيخ سعد رحمه الله: يعني أن المشركين بالله المكذبين لرسله الذين لا يؤمنون بالآخرة وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة تجرؤوا على ما تجرؤوا عليه من الأقوال والأفعال المحادة لله ولرسوله من قولهم الملائكة بنات الله فلم ينزهوا ربهم عن الولادة ولم يكرموا الملائكة ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إناثا والحال أنه ليس لهم بذلك علم لا عن الله ولا عن رسوله ولا دلت على ذلك الفطر والعقول بل العلم كله دال على نقيض قولهم وأن الله منزه عن الأولاد والصاحبة لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأن الملائكة كرام مقربون إلى الله قائمون بخدمته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والمشركون إنما يتبعون في ذلك القول القبيح وهو الظن الذي لا يغني عن الحق من الحق شيئا فإن الحق لا بد فيه من اليقين المستفاد من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين أنهم لا غرض لهم في اتباع الحق وإنما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسهم أمر الله رسوله بالإعراض عمن تولى عن ذكره الذي هو الذكر الحكيم والقرآن العظيم والنبأ الكريم فأعرض عن العلوم النافعة ولم يرد إلا الحياة الدنيا فهذا منتهى إرادته ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده فسعيه مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتها كيف حصلت حصلوها وبأي طريق سنحت ابتدروها ذلك مبلغهم من العلم أي هذا منتهى علمهم وغايته وأما المؤمنون بالآخرة المصدقون بها أولو الألباب والعقول، فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة، وعلومهم أفضل العلوم وأجلها، وهو العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه، ممن لا يستحق ذلك فيأكله إلى نفسه ويخذله فيضل عن سبيل الله. ولهذا قال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به. Il dit rahimahullah en expliquant ces versets 27 à 30 de Sourate An-Najm. C'est-à-dire que les polythéistes, ceux qui associent Allah autre que lui, ceux qui ont traité de menteurs les prophètes, ceux qui ne croient pas en l'au-delà, à cause du fait qu'ils ne croient pas en l'au-delà, ils ont osé faire ce qu'ils ont fait. Et ils ont osé dire ce qu'ils ont dit en défiant Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les paroles des polythéistes, leurs paroles, les anges sont les filles d'Allah. Ils n'ont pas purifié leur Seigneur d'avoir enfanté, et ils n'ont pas honoré les anges et ne les ont pas respectés en leur donnant des noms de filles. La situation est qu'en réalité, ils n'ont pas de science. Ils n'ont pas de science vis-à-vis d'Allah ni vis-à-vis de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, ce qu'ils prétendent n'est pas soutenu par la raison. Cela est également irrationnel. Au contraire, la science, toute la science, prouve le contraire de ce qu'ils ont dit. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt d'enfants et de compagnes, car il est l'unique subhanahu wa ta'ala, celui qui se suffit à lui-même, celui qui n'a pas enfanté et n'a pas enfanté, celui qui n'a nul égal, subhanahu wa ta'ala. Quant aux anges, ce sont des créatures nobles et rapprochées d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sont au service de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ils ne désobéissent jamais à Allah dans ce qu'il leur ordonne et font strictement ce qu'Allah, azza wa jalla, leur commande de faire. Quant aux polythéistes, ils ne suivent dans cela que la conjecture, c'est-à-dire al-dhann, que les soupçons et les suspicions. Or, les suspicions ne servent à rien contre la vérité. La vérité doit être soutenue par la certitude de preuves intransigeantes et d'arguments éclatants. Et parce que l'habitude et qu'il est d'accoutumer pour ces polythéistes de ne pas avoir de soucis et de ne pas avoir la volonté de suivre la vérité, leur volonté est uniquement de suivre leur passion. Parce que leur état est ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de se détourner de celui qui se détourne du rappel. Le rappel qui est le rappel sage, qui est l'immense Coran, qui est la noble nouvelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces polythéistes se sont donc détournés de la science bénéfique du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'ont en réalité de but que cette vie d'ici-bas. La vie d'ici-bas est donc le but ultime qu'il recherche. Et il est connu qu'une personne n'œuvre que pour une chose qu'elle souhaite et qu'elle désire. Ainsi, ces polythéistes n'œuvrent que pour cette vie d'ici-bas et que pour ces délices éphémères. Quel que soit le moyen qui leur permette d'atteindre cette vie d'ici-bas, eh bien, ils l'empruntent. « ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ » Voilà toute la portée de leur savoir, comme l'a dit Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils savent et uniquement. Quant aux croyants, ceux qui croient en l'au-delà, ceux qui considèrent vrai tout ce qui arrivera dans l'au-delà, les gens doués de raison et d'intelligence, leur motivation et leur but est la vie de l'au-delà. Et la science qu'ils détiennent est la meilleure des sciences et la plus noble, la science puisée du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, c'est parfaitement celui qui mérite d'être guidé, ainsi Allah le guide. De la même façon, Allah Azza wa Jal sait celui qui mérite de ne pas être guidé. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala laisse cette personne livrée à elle-même. Allah Azza wa Jal l'humilie et cette personne se détourne du chemin d'Allah. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit selon le sens, « Certes, ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'égare de son chemin et il connaît parfaitement celui qui est guidé. » Ainsi, Allah Azza wa Jal place ses bienfaits et ses mérites là où Allah Azza wa Jal sait que là où l'endroit qui mérite qu'Allah Azza wa Jal y place sa bonté et ses mérites. ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله عز وجل dit dans les versets 31 et 32 de sourate An-Najm, l'étoile. À Allah appartiennent ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent et récompense ceux qui font le bien par la meilleure, c'est-à-dire récompense. Ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes et qui ne commettent que des fautes légères, certes, le pardon de ton Seigneur est immense. C'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vantez-vous pas vous-même, ne vantez pas vous-même votre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. قال الشيخ السعدي رحمه الله يخبر تعالى أنه مالك الملك المتفرد بملك الدنيا والآخرة وأن جميع ما في السماوات والأرض ملك لله يتصرف فيهم تصرف الملك العظيم في عبيده ومماليكه ينفذ فيهم قدره ويجري عليهم شرعه ويأمرهم وينهاهم ويجزيهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه فيثيب المطيع ويعاقب العاصي ليجزي الذين أساءوا العمل السيئات من الكفر فما دونه بما عملوا من أعمال الشر بالعقوبة البليغة ويجزي الذين أحسنوا في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى خلق الله بأنواع المنافع بالحسنى أي بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة وأكبر ذلك وأجله رضا ربهم والفوز بنعيم الجنة ثم ذكر وصفهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش أي يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات التي يكون تركها من كبائر الذنوب ويتركون المحرمات الكبار كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل ونحو ذلك من الذنوب العظيمة إلا اللمم وهي الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها أو التي يلم بها العبد المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة، فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرجا للعبد من أن يكون من المحسنين، فإن هذه من الإتيان بالواجبات، فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء، ولهذا قال إن ربك واسع المغفرة. فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد، ولولا عفوه وحلمه لسقطت السماء على الأرض ولما ترك على ظهرها من دابة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. Donc il dit, rahimahullah, en expliquant ces versets 31 et 32, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que c'est le roi des rois, que c'est lui subhanahu wa ta'ala seul qui détient le royaume des cieux et de la terre, et que tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre est le royaume d'Allah. Allah azawajal agit dans son royaume comme un immense roi. Il applique sur le royaume des cieux et de la terre ses décrets et fait en sorte que sa législation soit appliquée. Allah Azzawajal ordonne, les ordonne et leur interdit. Et Allah Azzawajal rétribue ceux selon ce qu'il leur a ordonné de faire et ce qu'il leur a interdit de commettre. Allah Azza wa Jal récompensera les obéissants et punira les désobéissants. Il rétribuera ceux qui ont commis de mauvaises œuvres en partant de la mécréance en deçà. Allah Azza wa Jal les rétribuera par un châtiment dur. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا et récompense ceux qui font le bien, ceux qui font preuve de bienfaisance, c'est-à-dire de bienfaisance dans l'adoration d'Allah, et ceux qui sont bienfaisants envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal les rétribuera بِالْحُسْنَى par la meilleure, c'est-à-dire récompense, c'est-à-dire par la plus belle et la meilleure des situations dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et la plus grande de ces récompenses et la plus noble de ces rétributions est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de bénéficier du bienfait et des délices du paradis. Puis Allah Azza wa Jal a cité les caractéristiques de ces bienfaisants. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش, ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes, c'est-à-dire ceux qui font ce qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné de faire comme obligation. Des obligations dont le délaissement fait partie des grands péchés. Lorsque l'on délaisse une obligation, eh bien, cela est considéré comme avoir accompli un grand péché. Ainsi, ces bienfaisants également délaissent les grands péchés, comme la fornication, comme la consommation du vin, comme le fait de consommer l'argent de l'usure, l'assassinat, et autres parmi les immenses péchés, illa lamam, et qui ne commettent que des fautes légères, c'est-à-dire qui ne commettent que les petits péchés. Et Cheikh Hussain dit, des petits péchés qu'ils ne commettent pas dans la durée et de façon habituelle, mais des petits péchés qu'ils commettent de temps en temps de façon rarissime. Le fait de commettre des petits péchés occasionnellement n'exclut pas le serviteur du caractère de la bienfaisance. Allah Azza wa Jalla dit « وَيَجَزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا » et il rétribuera ceux qui ont fait preuve de bienfaisance. Puis Allah Azza wa Jalla a donné leurs caractéristiques, ceux qui délaissent les grands péchés ainsi que les turpitudes et qui ne commettent que les petites erreurs. Et ici, Cheikh Moussaoudi dit que le fait de commettre de petits péchés occasionnellement, tout en délaissant les grands péchés et en accomplissant les devoirs et les obligations, cela n'exclut pas la personne du cercle et de l'enceinte des bienfaisants. Car ces petits péchés, lorsqu'ils sont commis occasionnellement, ajoutés à cela l'accomplissement des obligations et le délaissement des interdits, eh bien, ces petits péchés entrent dans le pardon d'Allah Azza wa Jal, un pardon qui est plus vaste que toute chose. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit « Inna rabbaka wasi'ul maghfirah » Le pardon de ton Seigneur est immense. Ainsi, si ce n'était le pardon d'Allah, la terre et les gens seraient anéantis. Si ce n'était l'indulgence d'Allah et sa douceur, les cieux tomberaient sur la terre et Allah Azza wa Jal n'aurait laissé aucun être vivant à sa surface. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les cinq prières, ainsi que le vendredi au vendredi et le ramadan au ramadan sont des expiations. Il y a des expiations entre eux tant que les grands péchés sont abstenus, tant que les grands péchés ne sont pas commis. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement que entre les cinq prières, entre le vendredi, entre la prière du vendredi et la prière du vendredi, entre le mois du ramadan et le mois du ramadan, tout ce laps de temps entre ces différentes adorations sont des moments dans lesquels Allah Azza wa Jal pardonne les péchés, c'est-à-dire les petits péchés, à condition que les grands péchés ne soient pas commis. Et le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim dans son sahih selon Abu Huraira radiyallahu anhu. ثم قال رحمه الله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم أي هو تعالى أعلم بأحوالكم كلها وما جبلكم عليه من الضعف والخور عن كثير مما أمركم الله به ومن كثرة الدواعي إلى بعض المحرمات وكثرة الجواذب إليها وعدم الموانع القوية والضعف موجود مشاهد منكم حين أنشأكم الله من الأرض وإذ كنتم في بطون أمهاتكم ولم يزل موجودا فيكم وإن كان الله قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم به ولكن الضعف لم يزل فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبت الحكمة الإلهية والجود الرباني أن يتغمدكم برحمته ومغفرته وعفوه ويغمركم بإحسانه ويزيل عنكم الجرائم والمآثم خصوصا إذا كان العبد مقصوده مرضاة ربه في جميع الأوقات وسعيه فيما يقرب إليه في أكثر الآنات وفراره من الذنوب التي يتمقت بها عند مولاه ثم تقع منه الفلتة بعد الفلتة فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أرحم بعباده من الوالدة بولدها فلا بد لمثل هذا أن يكون من مغفرة ربه قريبا وأن يكون الله له في جميع أحواله مجيبا ولهذا قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم، أي تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدح، هو أعلم بمن اتقى، فإن التقوى محلها القلب، والله هو المطلع عليه المجازي على ما فيه من البر والتقوى، وأما الناس فلا يغنون عنكم من الله شيئا. Puis il dit, rahimahullah, en expliquant la fin du 32e verset, c'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui connaît le mieux vos différentes situations. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui connaît le mieux ce qui est inné en vous comme faiblesse et défaillance. Et Allah azawajal connaît également les différentes choses qui appellent à l'interdit et les différentes choses qui incitent à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'il n'y a pas de moyen fort de les repousser alors que la faiblesse est présente en vous depuis qu'Allah Azza wa Jal vous a créé de la terre, c'est-à-dire depuis la création de Adam alayhi salam, qu'Allah Azza wa Jal a créé de terre. Ceci, c'est-à-dire cette faiblesse qu'il y a en vous, est présente depuis qu'Allah Azza wa Jal vous a créé de terre et lorsque vous étiez dans le ventre de vos mères. Même si Allah Azza wa Jal a créé en vous une force et la possibilité de faire ce qu'Allah Azza wa Jal vous a ordonné, mais la faiblesse et la défaillance est bel et bien présente. Et parce qu'Allah Azza wa Jal connaît très bien cette situation, eh bien la sagesse divine et la bonté divine fait en sorte que vous soyez enveloppés par la miséricorde d'Allah, par son pardon et par son indulgence, et que vous soyez couverts par la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'Allah azza wa jal efface de vous et ôte de vous toute mauvaise chose. D'autant plus, et ceci d'autant plus, lorsque le serviteur a pour but de satisfaire son Seigneur à chaque instant. D'autant plus lorsque le serviteur fait des efforts pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal à tout moment. Lorsque le serviteur s'éloigne des péchés qui provoquent la colère de son Seigneur, mais il dérape. Dérapage après dérapage. À ce moment, Allah Azza wa Jal est le plus généreux des généreux et le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah Azza wa Jal est plus miséricordieux envers son serviteur qu'une mère ne l'est envers son enfant. Un serviteur dont la situation est ainsi, c'est-à-dire qui recherche sans cesse la satisfaction d'Allah, qui s'efforce de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, qui fait des efforts également pour s'éloigner des péchés qui provoquent la colère d'Allah Azza wa Jal, mais qui, malgré tout cela, désobéit à Allah Azza wa Jal et fait des fautes, eh bien cette personne mérite d'être proche du pardon d'Allah Azza wa Jal et mérite qu'Allah Azza wa Jal exauce ses demandes lorsqu'il les adresse à Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit « فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ » Ne vous vantez pas vous-même. C'est-à-dire, n'informez pas les gens de la pureté de votre âme et de votre personne dans le but de faire des éloges à vous-même. « هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى » C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Car la piété réside dans le cœur, et Allah Azza wa Jal est celui qui connaît le contenu des cœurs, celui qui rétribuera la personne selon ce qu'il y a dans son cœur comme bonté et piété. Quant aux gens, ils ne vous seront d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si les gens ne te seront d'aucune utilité auprès d'Allah azza wa jal, à quoi bon sert-il alors de faire tes éloges auprès des gens afin qu'ils soient émerveillés par ta personne. ثم قال تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا كالله عز وجل دي verset 33 à 62 à la fin de la sourate, selon le sens. Vois-tu celui qui s'est détourné, qui n'a donné que peu et a finalement cessé de donner? Détient-il la science de l'inconnu au point qu'il puisse le voir? Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moussa et celles d'Ibrahim qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre? Qu'aucune âme ne portera le fardeau, c'est-à-dire le péché d'autrui, et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite il en sera récompensé pleinement, et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur, et que c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer, et que c'est lui qui fait mourir et qui ramène à la vie, et que c'est lui qui crée les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée, et que la seconde création lui incombe, et c'est lui qui enrichit et qui fit acquérir, et c'est lui qui est le seigneur de Shi'ra, et c'est lui qui a fait périr les anciens, c'est-à-dire Ad, ainsi que les Thamoud, et fit que rien n'en subsista, ainsi que le peuple de Nuh antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et plus violents, de même qu'il anéantit les villes renversées, c'est-à-dire le peuple de Lot, et les recouvrit de ce dont il recouvrit, et les recouvrit de ce dont il les recouvrit, lequel donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute? Voici un avertisseur, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, analogue aux avertisseurs anciens, l'imminente, c'est-à-dire l'heure du jugement s'approche, rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. Quoi? Vous étonnez-vous de ce discours, c'est-à-dire le Coran? Vous en riez et n'en pleurez pas? Absorbé que vous êtes par votre distraction, prosternez-vous plutôt pour Allah et adorez-le. Qala Cheikh Saadi rahimahullah. أفرأيت الذي تولى إلى آخر السورة يقول تعالى أفرأيت قبح حالة من أمر بعبادة ربه وتوحيده فتولى عن ذلك وأعرض عنه فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل فإنه لا يستمر عليه بل يبخل ويكدي ويمنع. فإن المعروف ليس سجية وطبيعة ليس سجية له وطبيعة، بل طبعه التولي عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف، ومع هذا فهو يزكي نفسه وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها. أعنده علم الغيب فهو يرى الغيب ويخبر به، أم هو متقول على الله متجرئ على الجمع بين الإساءة والتزكية كما هو الواقع؟ لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب، وأنه لو قدر أنه ادعى ذلك فالإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم تدل على نقيض قوله، وذلك دليل على بطلانه. إلجي رحمه الله en expliquant ces versets 33 à 62. Allah Azza wa Jal dit « Afara'aita » « Vois-tu ». « Vois-tu », c'est-à-dire la mauvaise situation de celui qui a été ordonné d'adorer son Seigneur et de lui vouer un culte exclusif, mais qui se détourne de cela. Il se peut... S'il se permet, c'est-à-dire cette personne qui se détourne, s'il se permet de faire une once de bien, il ne persiste pas dans ce bien. Au contraire, il fait preuve d'avarice jusqu'à même s'abstenir de donner. La bienfaisance n'est donc pas une chose qui le caractérise. Bien au contraire, ce qui le caractérise, c'est le fait de se détourner de l'obéissance d'Allah Azzawajal et de ne pas rester ferme dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et malgré cela, cette personne fait l'éloge de sa propre personne et lui donne une place autre que celle qu'Allah Azzawajal lui a donnée. Puis Allah Azzawajal dit « A'indahu ilmul ghaybi fahuwa yara » Détient-il la science de l'invisible de telle sorte qu'il puisse voir, c'est-à-dire voir l'invisible et informer de ce que contient l'invisible, ou bien alors cette personne parle-t-elle sur Allah Azzawajal sans savoir, et cette personne, en réalité, ose réunir entre le mauvais et l'éloge, entre les mauvaises actions qu'elle commet et l'éloge qu'elle fait de sa propre personne. Comme cela, et comme cela est la situation existante. Car si cette personne savait, car l'on sait pertinemment que cette personne ne connaît pas l'invisible, et supposons que cette personne connaisse l'invisible, eh bien les informations claires, les informations authentiques concernant une partie de l'invisible que détenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous prouvent le contraire de ses paroles et nous prouvent la nullité de ses actes. Am lam yunabba hadha al-mudda'i بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أي قام بجميع ما ابتلاه الله به وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه وفي تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذكره الله تعالى بقوله ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي كل عامل له عمله الحسن والسيء فليس له من عمل غيره وسعيهم شيء ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا وأن سعيه سوف يرى في الآخرة فيميز حسنه من سيئه ثم يجزاه الجزاء الأوفى أي المستكمل لجميع العمل، الحسن الخالص بالحسنى والسيء الخالص بالسوء والمشوب بحسبه، جزاء تقر بعدله وإحسانه الخليق وإحسانه الخليقة كلها تحمد الله عز وجل عليه وتحمد الله عليه، حتى جزاء تقر بعدله وإحسانه الخليقة كلها وتحمد الله عليه، حتى إن أهل النار ليدخلون النار وإن قلوبهم مملوءة من حمد ربهم والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم، وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد. وقد استدل بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، من يرى أن القرب لا يفيد إهداؤها للأحياء ولا للأموات، قالوا: لأن الله قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فوصول سعي غيره إليه مناف لذلك. وفي هذا الاستدلال نظر، فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه، وهذا حق لا خلاف فيه، وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير له، كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده، ولا يلزم من ذلك ألا يملك ما وهبه له الغير من ماله الذي يملكه. في الجي رحمه الله expliquant la parole d'Allah عز وجل أم لم ينبأ ne lui a-t-on pas annoncé, c'est-à-dire à ce prétendant, à celui qui s'abstient de donner et à celui qui se détourne du rappel d'Allah et de l'adoration d'Allah et qui s'abstient d'être bienfaisant. Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse et d'Abraham qui a tenu parfaitement, c'est-à-dire sa promesse de transmettre. C'est-à-dire que Ibrahim alayhi salam a mis en œuvre tout ce qu'Allah azza wa jal lui avait demandé de faire, comme législation et comme base de la religion ainsi que les branches de la religion. Et dans ces feuilles, il y a de nombreux jugements. Parmi les jugements les plus importants, ce qu'Allah Azza wa Jal a cité en disant Alla taziru waziratun wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a. Parmi ces jugements importants qu'il y a dans les feuilles de Moussa et de Ibrahim, qu'aucune âme ne portera le péché d'autrui et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. C'est-à-dire que toute personne qui œuvre, eh bien, à elle les bonnes œuvres et les mauvaises. Et elle ne bénéficie aucunement des œuvres et des efforts d'autrui. Et personne ne peut être tenu responsable du péché d'un autre. Et que son effort lui sera présenté, c'est-à-dire le jour du jugement, afin d'en différencier et d'en distinguer le bon du mauvais. Ensuite, il en sera récompensé pleinement, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal lui donnera la rétribution complète de ce qu'il aura œuvré. Allah Azza wa Jal récompensera la bonne œuvre, celle qui est pure et sincère pour Allah Azza wa Jal, par une belle récompense, et la mauvaise par une mauvaise récompense. Et quant aux actes qui sont douteux, c'est-à-dire dont on ne peut pas juger si c'est une bonne œuvre ou une mauvaise, eh bien, Allah Azza wa Jal le rétribuera en fonction de cette œuvre. Et la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ensemble des créatures reconnaîtront que c'est une rétribution juste. Et tous, toutes les créatures, remercieront et loueront Allah Azza wa Jal pour cette rétribution qu'ils auront obtenue. Et Cheikh Saadi dit, même les habitants de l'enfer, ils rentreront en enfer et leurs cœurs seront pleins de reconnaissance et de louange à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, en reconnaissant à Allah Azza wa Jal la parfaite sagesse. Et les habitants de l'enfer sauront que c'est leur personne qu'ils devront blâmer et que ce sont eux-mêmes qui ont fait en sorte qu'ils soient dans cette situation et qu'ils aient atteint cette destination. Et certains ont utilisé la parole d'Allah Azza wa Jal, « وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » En vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Certains ont utilisé cette parole d'Allah Azza wa Jal, notamment ceux qui considèrent que les dons ou que ceux qui considèrent que les adorations, il n'y a aucun bénéfice à les vouer, c'est-à-dire à les donner, à les offrir à un vivant comme à un mort. Car ils ont dit, qu'Allah Azza wa Jal a dit, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, que l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Donc certains savants ont dit qu'il n'est pas permis d'offrir une adoration à une autre personne. Bien sûr, il y a des adorations qui peuvent s'offrir, d'autres qui ne peuvent pas s'offrir. Le fait que Cheikh Saadi dit cette parole sans restriction, c'est parce que la restriction est claire dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, on ne peut pas offrir une prière à quelqu'un. Je ne veux pas t'offrir, par exemple, la prière de l'Asr ou la prière de Dhuhr. Dire, voilà, tu n'as pas besoin de faire la prière de Dhuhr ou de l'Asr, je la fais pour toi. Non, ça n'existe pas. On ne peut pas offrir son unicité d'Allah à quelqu'un. J'adore Allah seul, sans ne rien lui associer, et j'offre à mon père cette unicité que je porte à Allah. Non. Mais il y a des choses rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui autorise, comme le fait de faire le hajj par exemple pour un mort ou pour une personne incapable physiquement de s'y rendre. Donc il y a certaines choses dont il est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est possible d'offrir à quelqu'un, donc de faire cette adoration et de faire en sorte et d'avoir l'intention que la récompense de cet acte soit destinée à telle personne parmi les vivants ou les morts. À Kul Hal, il y a une divergence des savants à ce sujet. Et Cheikh Saadi dit qu'il y a dans cette argumentation des choses à dire, car il dit, rahimahullah, que ce verset, à savoir la parole d'Allah Azza wa Jal, selon le sens que l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, prouve que l'être humain n'a que ce qu'il fait par lui-même. Et ceci est une vérité que personne ne peut nier. Mais dans ce verset, il n'y a pas la preuve qu'une personne ne peut pas bénéficier de l'effort d'autrui. Notamment lorsque autrui lui offre une chose. Et Cheikh Saadi, rahimahullah, donne l'exemple en disant comme le fait qu'une personne n'a comme bien que ce qu'elle possède et ce qu'il y a dans ses mains. Mais cela n'implique pas que la personne ne peut pas posséder ce qu'une autre personne lui offre. Donc toi, l'argent que tu as en ta possession, qui est le fruit de ton travail, le fruit de tes efforts, etc. Les biens que tu as, la maison, etc., que tu as, la voiture que tu as, ce sont tes biens à toi. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'accepter celui qui viendrait t'offrir de l'argent ou celui qui viendrait t'offrir un autre bien. Donc ainsi, ce verset prouve que effectivement la personne ne bénéficie que du fruit de ses efforts, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de bénéficier d'un don d'autrui. وقوله وأن إلى ربك وأن إلى ربك المنتهى أي إليه تنتهي الأمور وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشور وإلى الله المنتهى في كل حال فإليه ينتهي العلم والحكم ورحمة وسائر الكمالات وأنه هو أضحك وأبكى أي هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء وهو الخير والشر والفرح والسرور والهم والحزن وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك وأنه هو أمات وأحيا أي هو المنفرد بالإيجاد والإعدام والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم سيعيدهم بعد موتهم ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا وأنه خلق الزوجين فسر الزوجين بقوله الذكر والأنثى وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمها فهو المنفرد بخلقها من نطفة إذا تمنى وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة العظيمة حيث أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة من ماء مهين ثم نماها وكملها حتى بلغت ما بلغت ثم صار الآدمي منها إما إلى أرفع المقامات في أعلى العليين وإما إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين ولهذا استدل بالبداءة على الإعادة فقال وأن عليه النشأة الأخرى فيعيد العباد من الأجداث ويجمعهم ليوم الميقات ويجازيهم على الحسنات والسيئات وأنه هو أغنى وأقنى أي أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من التجارات وأنواع المكاسب من الحرف وغيرها وأقنى أي أفاد عبادهم من الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لكثير من الأعيان وهذا من نعمه على عباده أن جميع النعم منه وهذا يوجب للعباد أن يشكروه ويعبدوه وحده لا شريك له. في الجر رحمه الله en expliquant la parole d'Allah عز وجل وأن إلى ربك المنتهى. Et tout aboutit en vérité vers ton Seigneur. Et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur. C'est-à-dire que toutes les choses aboutissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est vers Allah azza wa jal que toutes choses retourneront. Toutes choses et toutes créatures retourneront à Allah azza wa jal par la résurrection. Et également que toutes les situations aboutissent à Allah subhanahu wa ta'ala. La science et le jugement aboutissent à Allah. La miséricorde et l'ensemble des choses parfaites aboutissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Et c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer. C'est-à-dire que c'est Allah Azza wa Jal qui a fait en sorte que les causes du rire et des pleurs soient présentes, à savoir le bien et le mal, la joie et le bonheur, ainsi que al-ham wal-hazan, ainsi que les soucis et la tristesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala a la sagesse divine dans cela, c'est-à-dire dans le fait d'avoir créé les causes du rire et des pleurs. وأنه هو أمات وأحيا et c'est lui qui fait mourir et qui amène la vie. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le seul qui a la possibilité de faire exister et qui a la possibilité d'anéantir. Et Allah azawajal, c'est lui qui a créé les créatures. Il leur a donné des commandements, de même qu'il leur a donné des interdits. Et Allah azawajal les fera revenir après leur mort et les rétribuera selon ce qu'ils auront œuvré dans cette vie d'ici-bas. وأنه خلق الزوجين et c'est lui qui a créé les deux éléments de couple. Puis Allah azawajal a expliqué ces éléments de couple en disant الذكر والأنثى, le mâle et la femelle, qui sont des noms montrant le genre, un genre qui englobe l'ensemble des animaux, ceux qui parlent comme ceux qui ne parlent pas. فهو المنفرد بخلقها. Allah azawajal est le seul qui a créé ces animaux. من نطفة إذا تمنى, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. Et ceci est l'une des plus immenses preuves de la capacité infinie et de la puissance illimitée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a fait en sorte que ces animaux soient présents, les petits animaux comme les grands, et dont la source est une goutte d'eau vile et faible, qu'Allah azawajal fait grandir, puis qu'Allah azawajal parfait jusqu'à ce qu'elle atteigne ce qu'elle atteigne. Puis l'être humain atteint soit les hauts degrés s'il est croyant, ou soit alors il atteint les plus profondes bassesses s'il est désobéissant. Pour cela qu'Allah azawajal a pris pour preuve le début pour prouver la fin, lorsqu'il a dit « وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى » et que la seconde création lui incombe. Lorsqu'il fera revenir les serviteurs et lorsqu'il les ressuscitera, lorsqu'il les réunira le jour de la résurrection et lorsqu'il les rétribuera selon les bonnes actions et les mauvaises. « وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى » et c'est lui qui a enrichi et c'est lui qui a fait acquérir. Allah Azzawajal a enrichi ses serviteurs en leur facilitant les moyens de subsistance, comme le commerce et tout autre moyen qui permet de gagner des profits, comme les métiers et autres. Wa aqna, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal a permis aux serviteurs de réunir des biens et de pouvoir les garder et les réunir. Ainsi, ses serviteurs possèdent énormément de choses. Et tout ceci fait partie des bienfaits d'Allah Azzawajal sur ses serviteurs. Car il n'y a pas un bienfait sans qu'il ne provienne d'Allah Azzawajal. Et cela doit amener ses serviteurs à être reconnaissants envers leur Seigneur et à l'adorer seul sans ne rien lui associer. ثم قال وأنه هو رب الشعرى وهي النجم المعروف بالشعر العبور المسمى بالمرزم وخصها الله بالذكر وإن كان رب كل شيء لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية فأخبر تعالى أن جنس ما يعبده المشركون مربوب مدبر مخلوق فكيف تتخذ إلها مع الله وأنه أهلك عادا الأولى وهم قوم هود عليه السلام حين كذبوا هودا فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية وثمود قوم صالح عليه السلام أرسله الله إلى ثمود فكذبوه فبعث الله إليهم الناقة آية فعقروها وكذبوه فأهلكهم الله فما أبقى منهم أحدا، بل أهلكهم الله عن آخرهم، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى من هؤلاء الأمم، فأهلكهم الله وأغرقهم في اليم والمؤتفكة، وهم قوم لوط عليه السلام أهوى، أي أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدا من العالمين، قلب أسفل ديارهم أعلاها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، ولهذا قال فغشاها ما غشى، أي غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشى، أي شيء عظيم لا يمكن وصفه. فبأي آلاء ربك تتمارى، أي فبأي نعم الله وفضله تشك أيها الإنسان، فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من الوجوه، فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى، ولا يدفع النقم إلا هو. وأنه هو رب الشعرى، نعم، dans le verset 49 et c'est lui le seigneur de الشعرى. Il dit رحمه الله الشعرى qui est une étoile connue sous le nom de الشعرى العابور qui est connu également sous le nom de المرزم qui est l'étoile Bellatrix ou appelée également Gamma Orionix. Orionis, qui est une étoile présente dans la constellation d'Orion, qui est une étoile géante de couleur bleue, qui notamment fait 8 fois la taille du soleil. Allah Azza wa Jalla l'a cité, malgré qu'il soit le Seigneur de toutes choses, car cette étoile était adorée pendant la période anté-islamique. Allah Azza wa Jalla informe donc dans ce verset que ce qu'adorent les polythéistes, à savoir les étoiles, quelles que soient les étoiles qu'elles adorent, eh bien ces étoiles sont créées et ces étoiles ont un seigneur qui les régit et qui les commande. Comment donc prendre ces étoiles comme des divinités avec Allah Azza wa Jal? وأنه أهلك عادا الأولى، et c'est lui qui a fait périr les anciens عاد qui sont le peuple de Hud عليه السلام. Lorsqu'ils ont traité de menteur Hud عليه السلام, Allah عز وجل les a exterminés par un vent mugissant et furieux. وثمود et ثمود qui sont le peuple de صالح عليه السلام, Allah عز وجل a envoyé صالح à ثمود qui ont traité de menteurs leurs prophètes. Allah Azza wa Jal leur a envoyé comme signe une chamelle. Ils l'ont égorgée et ont traité de menteurs Salih alayhi salam. Allah Azza wa Jal les extermina. Fama abqa, et fit en sorte que rien n'en subsiste, c'est-à-dire que personne du peuple de Salih n'a survécu. Allah Azza wa Jal les a détruits jusqu'au dernier. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى, et le peuple de Nuh auparavant, car ils étaient encore plus injustes et plus violents que les autres, c'est-à-dire que les autres communautés. Allah Azza wa Jal les a exterminés et les a fait noyer dans les flots. والمؤتفكتا, qui sont le peuple de Lut عليه السلام, أهوى, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal leur a infligé un châtiment qu'il n'a infligé à personne d'autre avant. Allah Azza wa Jal a retourné leur maison de fond en comble et a fait pleuvoir sur eux des pierres d'argile dure. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit « Farashaha ma rasha » et les recouvrit de ce dont il les recouvrit. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal recouvrit le peuple de Lot par ce qu'il les a par les pierres d'argile qui ont plu sur eux. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا et les recouvrit de ce dont il les recouvrit, c'est-à-dire qu'ils ont été recouverts d'un châtiment douloureux et affreux, c'est-à-dire d'une chose immense qui ne peut être décrite. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى lequel donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute, c'est-à-dire lequel donc des bienfaits et des mérites de ton Seigneur mets-tu en doute, ô toi l'être humain? Car les bienfaits d'Allah sont apparents, cela ne fait aucun doute, et il n'y a pas un bienfait dont jouit le serviteur sans qu'il ne provienne d'Allah, et n'éloigne le mal du serviteur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا نذير من النذر الأولى أي هذا الرسول القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله ليس ببدع من الرسل بل قد تقدمه من الرسل السابقين ودعوا إلى ما دعا إليه فلأي شيء تنكر رسالته وبأي حجة تبطل دعوته أليست أخلاقه أعلى أخلاق الرسل الكرام أليست دعوته إلى كل خير والنهي عن كل شر ألم يأتي بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل الكرام فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين أزفت الآزفة أي قربت القيامة ودنا وقتها وبانت علاماتها ليس لها من دون الله كاشفة إذا أتت القيامة وجاءهم العذاب الموعود به ثم توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المكذبين لما جاء به من القرآن الكريم فقال أفمن هذا الحديث تعجبون أي أفمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون منه وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة الخارقة للأمور والحقائق المعروفة هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم وإلا فهو الحديث الذي إذا حدث صدق وإذا قال قولا فهو القول الفصل الذي ليس بالهزل وهو القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الذي يزيد ذوي الأحلام رأيا وعقلا وتسديدا وثباتا وإيمانا ويقينا والذي ينبغي العجب من عقل من تعجب منه وسفهه وضلاله وتضحكون ولا تبكون أي تستعملون الضحك والاستهزاء به مع أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس وتلين له القلوب وتبكي له العيون سماعا لأمره ونهيه وإصغاء لوعده ووعيده والتفاتا لأخباره الحسنة الصادقة وأنتم سامدون أي غافلون عنه لاهون عن تدبره وهذا من قلة عقولكم وأديانكم فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم بهذه المثابة التي يأنف منها أولو الألباب ولهذا قال تعالى فاسجدوا لله واعبدوا الأمر بالسجود لله خصوصا ليدل ذلك على فضله وأنه سر العبادة ولبها فإن لبها الخشوع لله والخضوع له والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبد فإنه يخضع قلبه وبدنه ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطئ الأقدام ثم أمر بالعبادة عموما الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة تم تفسير سورة النجم والحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا. Puis il dit rahimahullah, en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal, هذا نذير من النذر الأولى. Voici un avertisseur similaire aux avertisseurs anciens. C'est-à-dire, voilà le prophète, le Qurashi, le Hashimi, Muhammad, le fils de Abdullah, qui n'est pas un nouveau prophète. Au contraire, il a été précédé par d'autres prophètes qui ont appelé à ce à quoi il a appelé. Pourquoi donc reniez-vous son message? Et avec quelle preuve anéantissez-vous son appel? Ses comportements et ses caractéristiques sont les plus grandioses parmi les sont les plus grandioses des comportements des prophètes. Ces comportements ne sont-ils pas les meilleurs comportements des prophètes honorables? Et son appel n'est-il pas un appel à tout bien et une interdiction de tout mal? N'est-il pas venu avec le Coran, un Coran qui ne peut être précédé, qui ne peut être atteint par un mal et par une fausseté? Le Coran qui est une révélation du sage et de celui qui mérite la louange, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas exterminé ceux qui ont traité de menteurs les prophètes avant lui? Qu'est-ce qui empêchera le châtiment de frapper ceux qui traiteront de menteurs le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le maître des prophètes et le guide des pieux? Azifatil azifa, l'imminente s'approche, c'est-à-dire que l'heure approche, que le jugement approche et que les signes apparaissent, les signes de l'heure apparaissent. Laysa laha min dunillahi kashifa, rien en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. C'est-à-dire que lorsque le jugement arrive et lorsque le châtiment promis frappe, rien ne peut l'en empêcher à part Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal a menacé ceux qui renient le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ne croient pas en ce avec quoi il est venu comme Coran béni. Il dit subhanahu wa ta'ala, afamin hada al-hadith ta'jabun, est-ce de ce discours, c'est-à-dire le Coran, dont vous vous étonnez? C'est-à-dire, est-ce cette parole qui est la meilleure des paroles, la plus noble des paroles, est-ce de cette parole dont vous vous étonnez? Ceci fait partie de leur ignorance et de leur égarement. Ceci fait partie de leur entêtement, car ces paroles sont les paroles, car le Coran, sa parole est vérité. Et lorsqu'il y a une parole dans le Coran, c'est une parole décisive qui n'est aucunement une plaisanterie. C'est le Coran immense qui, s'il était descendu sur une montagne, tu aurais vu cette montagne s'humilier et se fendre par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un Coran qui ne fait qu'augmenter la raison des gens doués d'intelligence. Un Coran qui ne fait que raffermir et qui ne fait qu'augmenter la foi et la certitude de celui qui croit en ce Coran. Ce qui est plutôt demandé, c'est de s'étonner des raisons de ceux qui s'étonnent du Coran. Ce qui est demandé, c'est de s'étonner de ces raisons qui s'étonnent du Coran, des raisons qui sont vils et qui sont égarés. Wa tadhakuna wa la tabkun, et vous en riez et n'en pleurez point. C'est-à-dire que vous utilisez le rire et la moquerie à l'égard du Coran. Or, ce qui est demandé à l'égard du Coran, c'est que les âmes en soient imprégnées, que les cœurs en soient adoucis, que les yeux en pleurent lorsqu'ils entendent les ordres et les interdits, que l'on prête l'oreille aux menaces et aux promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa antum samidun, absorbés par votre distraction, c'est-à-dire que vous êtes insouciant à l'égard du Coran, que vous ne le méditez pas. Et ceci prouve la bassesse de vos raisons. Si vous adoriez Allah et si vous demandiez la satisfaction et si vous recherchiez la satisfaction d'Allah Azzawajal dans l'ensemble des situations, eh bien, vous ne serez pas dans cet état que répugnent les gens doués d'intelligence. Pour cela qu'Allah Azzawajal dit « Fasjudu lillahi wa'budu » Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Allah Azzawajal ordonne de façon particulière de se prosterner pour montrer le mérite de la prosternation et que la prosternation est le secret et le noyau de l'adoration. Le noyau de l'adoration qui est la crainte d'Allah et l'humilité à Allah subhanahu wa ta'ala. Or, la prosternation est la posture dans laquelle le serviteur s'humilie le plus devant Allah subhanahu wa ta'ala. Son cœur et son corps s'humilient. Le cœur et le corps du serviteur s'humilient devant Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il est en état de prosternation. Et l'être humain et le serviteur d'Allah azawajal posent les membres les plus honorables de son corps à même le sol, le même sol qui est piétiné. Et le plus honorable l'un des plus honorables des membres du corps est bien sûr le visage. Le fait que le serviteur d'Allah azawajal pose son front, pose son nez à même le sol, ce même sol qui est piétiné. Et il fait cela en humilité à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azawajal ordonne de se prosterner de façon particulière et il ordonne de l'adorer de façon générale. Fasjudu lillahi wa'budu. Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. C'est-à-dire, adorez-le à travers les différentes formes d'adoration qu'Allah Azzawajal aime et agrée comme acte, comme parole, apparente et cachée. Ainsi se termine le tafsir de Surat al-Najm, l'étoile, et la louange revient à Allah Azzawajal, Allah dont l'on peut faire les éloges comme il convient. Nous faisons donc les éloges de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala au-dessus de ce qu'il nous demande et que la prière et le salut soient sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barakallahu fikum.